L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio dans l'heure du loup et malheureusement je ne suis pas là ce soir, je suis parti me faire les croix ailleurs. Néanmoins j'ai préparé pour vous un best-of du meilleur de la crème de votre émission Rock and New Wave sur Osmose Radio. Je vous lèche le museau, je vous dis à bientôt, salut. Des horizons, ramène-moi tes voyages et tes parfums dorés. Déshonore-moi, puisque je te le demande. Bande mes yeux entre les parenthèses, les râles. Fais de moi ta victime, enlisons-nous dans les délices irraisonnés pour la saison. Restitue-moi, puisque je te le demande. Je suis l'entrée d'où tu viens, celui que tu crois. Je te le demande, je suis l'autre que tu cherches. Celui que tu aimes et où tu jailliras encore. J'ai le ventre toute la terre qui t'avale, te berce, qui te plaît. Je ne te promets pas la lune, mais une oasis sur nos chemins de pierre. Sur ton lit de fortune, en sulfureuse proie, accroché des éclairs. c'est toi qui ça. Allez, avance là. Allez, viens. Allez, je peux que ça ferme. Dégage de devant là. Ouais, ouais, ouais, le feu il est vert, alors faut avancer, merde. Putain, tu vas pas là. Ah, je te jure, putain, mais c'est pas vrai, mais t'as eu ton permis de cette prochaine surprise ou quoi? Ton gosse, ton chihuahua. T'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi. Les embouteillages, personne n'aime ça. C'est au volant de ta voiture que t'en profites pour cracher ta haine. Tu démarres au quart de tour car on te grille la priorité. Prêt à sortir de ta caisse si on te regarde de travers. Les gens te montrent du doigt parce que ça les fait bien marrer. Ça me fait bien marrer. T'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi. Retrouver ta femme, ton gosse, ton chihuahua. T'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi. Les embouteillages, personne n'aime ça. Tu vas rentrer chez toi, enfiler tes belles petites chanteuses. Allumer la télé, prendre la télécommande, poser sur la table. T'asseoir sur ton canapé en cuir, acheter un crédit l'année dernière. Et tu vas pouvoir enfin te jeter ton petit whisky réparateur. Tu l'as bien mérité. Anesthésiste, marchand de sable. Find a strength to bring you, find a little to the rim. She won't be

toujours sur Osmose Radio, les amis. Vous êtes toujours dans l'heure du loup avec Stéphane. Et c'est notre playlist Rock and New Wave qui continue. Yeah. quand je ne partirai plus en guerre contre des moulins à vent, quand j'aurai appris à me taire face à leurs actes déments, quand je serai ce vieil enfant, quand je ne pourrai plus refaire le monde, le monde que l'on fait en rêvant, j'armerai mon bras contre ce putain de temps, ce mécréant sans une ride qui jamais, jamais ne comble le vide, cet assassin après qui je cours, ce putain de temps aveugle et sourd. Quand je ne grimperai plus dans les nids d'aigle, et quand je ne mettrai plus mon nez au vent, je signerai des tas de lettres pour protéger vos enfants qui voudraient partir en guerre contre mes vieux moulins à vent. Badaboum,